chasseur de l'air des sous-bois. Le frais velours des mousses, c'est des herbes fines. Le parfum de l'humus, le chant enivrant des oiseaux. Le bruissement mécanique des insectes motorisés. Le son des brindilles et des feuilles séchées. Rompu par la course frénétique d'un rampant lézard vert. Les bons joyeusement craintifs des garennes. Disparaissant dans les fourrisons pompons sauteurs. Rappelle-toi le ronflant frelon à tête rouge. Abeilles et guêpes jaunes et noires, coléoptères bleus. Turquoise, vert, doré, bête à bon dieu, vermeil, pointillé. Sauterelle fluorescente, luciole luminescente. Rappelle-toi. Joyeusement craintif des garennes disparaissant dans les fours et en pompons sauteurs.